Bonsoir à tous en ce vendredi 17 mai. Bienvenue à l'émission Le Terminus. Jean-François Lusignan avec vous pour la prochaine heure. Et Le Terminus, c'est quoi? Ben, c'est comme le dit la publicité, c'est votre arrêt pour le meilleur du rock indépendant et tout ce qui gravite autour. Et parlant de rock et de ce qui va jouer justement dans l'émission de ce soir, il va y avoir les nouveautés des Français Décibel qui ont sorti une nouvelle chanson en français, oui merci, sur une compilation d'artistes français, ça vient de sortir. Également du Arthur Cravan, Deer Hunter, Parked Carts et Boy Racer, un peu plus tard dans l'émission. Mais on commence avec trois nouveautés. On commence avec Vampire, un duo de Portland qui ont travaillé avec le bassiste de Unknown Mortal Orchestra sur leur premier album Curiosity qui vient de paraître. En fait, c'est cette semaine. Et Vampire font une espèce de pop rock assez psychédélique. On entend tout de suite la chanson qui ouvre l'album Curiosity, chanson qui s'appelle The Earth. Bonne écoute. We'll be right back. De leur nouvel album Monomania, c'était Deer Hunter avec Sleep Walking. Et le groupe Deer Hunter sont, enfin, les prochains jours vont amorcer une tournée américaine et canadienne, mais pas de date pour l'instant pour Montréal. Donc, il faut continuer à suivre ça sur leur site Internet pour voir s'ils vont changer d'idée. Et après, la pression a arrêté finalement à Montréal. Mais bon, ça s'annonce pas pour ça pour l'instant. Juste avant, c'était Otek, le projet de Francis Minot, avec une des deux chansons qui n'est pas en français sur son nouvel album, une chanson qui s'appelle Downtown. Et bien, on va continuer tout de suite avec d'autres choses. Ça va être Parquet Courts qui seront, eux, en spectacle à Montréal au Île Motoré le 16 juillet prochain. D'ici là, on écoute Stone and Starving à l'émission Le Terminus. We'll be right back. hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot damn, hot, hot damn, hot, hot damn, hot. C'était les Français de Décibel avec Il pleut des noix de coco et c'est une nouvelle chanson du groupe qui se retrouve sur une compilation Noise in France, donc compilation d'artistes français, mais donc sans surprise ou peut-être avec une petite surprise quand même, une petite déception, la chanson Décibel est une des seules chansons en français qu'il y a sur la compilation. Et avant, on avait aussi entendu dans le dernier segment la formation de Cardiff Rad Stewart qui avec la chanson Hot Damn et qui sonnait pas mal comme un groupe hommage à Pavement, mais c'est pas un défaut non plus. Donc, si ça vous intéresse, allez voir Rad Stewart. Je crois qu'ils ont une page Bandcamp avec d'autres chansons qui sonnent un peu de la même façon. Et si vous voulez retrouver la liste toujours des chansons qui tournent pendant l'émission, ça va se retrouver dans quelques minutes après la fin de l'émission sur le CISM893.ca. On va maintenant écouter Electrolane, une suggestion de Fabien Guillot qui m'a remplacé quelques semaines ici à l'émission. Donc Electrolane, formation anglaise qui a pris une pause en 2007 pour revenir en 2011. Mais toujours pas de nouvel album en vue. Ils ont fait seulement quelques spectacles en Europe. On va entendre le dernier album qu'ils ont fait paraître en 2007, donc l'album No Shouts, No Calls. La chanson To the East sur les ondes de CISM. jusqu'à 22h, c'est l'émission Le Terminus qui se poursuit. Jean-François Lusignan avec vous. Ce que vous venez d'entendre, c'est tiré d'une compilation shoegaze italienne. C'est un artiste de ce coin-là, Stella Dina et la chanson Chouette. Et vous avez aussi entendu dans le dernier segment Lavabo avec Sèche puis Crève et aussi juste avant, encore avant, Super Crush avec Lifted. Et Super Crush sont en fait un projet parallèle de la formation Modern Charms dont je vous faisais jouer une chanson à l'émission de la semaine dernière. On va continuer maintenant avec Arthur Cravant, la chanson Le Festin sur les ondes de CISM 89.3. Thank you. L'original de 1992, c'était Drop 90s avec leur chanson Delaware qui est sur leur album du même nom, donc sorti en 92. Et la formation n'aura pas existé vraiment longtemps, seulement de 91 à 95, donc 4 ans, pendant lesquels ils auront quand même sorti 2 albums, donc de shoegaze, groupe shoegaze américain. Il n'y aura pas eu beaucoup, donc un courant beaucoup plus présent en Angleterre, mais donc présence dans le mouvement pour Drop 90s. Et juste avant, c'était quoi déjà? Donc, c'était notre ami Arthur Cravant avec Le Festin. Et maintenant, on va continuer avec 2 dernières chansons. On va tenter de un peu vous revigorer un petit peu avec des chansons qui bougent un peu plus. On va tout de suite continuer avec Dead Soft et leur chanson Sun is Light. We'll be right back.